franceinter.fr. Radioscopie. Radioscopie. Françoise Giroux. Jacques Chancel. François Giroux, longtemps, même les adversaires de vos idées ont reconnu votre talent, votre professionnalisme, votre force de caractère. Vous étiez alors journaliste, puis vous avez été sacré ministre. Oui. Et immédiatement, vous avez été piqué de fléchettes. Vous aviez accepté une petite parcelle de pouvoir, peut-être même une grande parcelle de pouvoir. Et ce sont là des choses qui ne se pardonnent pas. Alors aujourd'hui, François Giroux, ayant quitté le gouvernement, êtes-vous redevenu vous-même ? Mais je n'ai jamais cessé d'être moi-même. Enfin, je ne crois pas. C'est quand même une chose qui était comme une inquiétude dans l'esprit des gens. Pourquoi François Giroux a-t-elle accepté un poste ministériel ? On vous l'a dit, vous le savez, et vous l'avez vous-même, je crois, ressenti. Oh, je l'ai très vivement ressenti. Je l'ai très vivement ressenti parce que passer du côté du pouvoir, quel que soit ce pouvoir, je m'empresse de vous le dire, c'est très grave pour un journaliste qui, par définition, représente l'anti-pouvoir. Si je puis dire, ça signifie qu'on passe d'Antigone à Créon. Et c'est une expérience très difficile, très intéressante, que je ne regrette pas d'avoir faite et que je ne renie en aucune manière. Vous en connaissiez les risques ? J'en connaissais les risques, bien entendu. Et bon, ça je n'ai pas peur des risques, en général. Vous avez l'impression d'avoir perdu un peu de votre temps, vous qui avez si bien regardé, je ne le pense pas. Pas du tout, ah non, ça vraiment. S'il y a une impression que je n'ai pas, c'est bien celle d'avoir perdu mon temps. Outre que je n'ai pas fait des choses entièrement négligeables. Enfin, vous ne pouviez pas imaginer que vous suivriez un jour ce chemin. Sûrement pas. Non seulement je ne l'ai jamais imaginé, mais je ne l'ai jamais souhaité. Ce n'était vraiment pas dans l'ordre de mes ambitions. Alors c'était le hasard ou c'était la nécessité ? Non, c'est le hasard, certainement. Ce n'est sûrement pas la nécessité. Le hasard, peut-être un peu le goût du risque, peut-être la curiosité, à force d'écrire sur le pouvoir d'État, s'entend, parce que le pouvoir des journalistes est en général ce que j'appellerais le pouvoir sur l'esprit, est au moins aussi grand que le pouvoir d'État. Ce sont les deux aspects du pouvoir. Donc, à force d'écrire sur le pouvoir d'État, eh bien, il n'était pas inintéressant pour quelqu'un d'un peu curieux, comme je suis, de le voir de près. Avez-vous l'impression aujourd'hui d'être un peu plus libre ? Plus libre qu'en étant ministre ? Oui. Oui, bien sûr. Donc, vous faisiez des concessions, et ce n'est pas votre genre ? Non, je ne peux pas dire que j'ai fait des concessions. Il y a des choses que je n'ai pas dites parce qu'on ne peut pas les dire quand on est à l'intérieur d'un gouvernement. J'ai peu composé, franchement. D'ailleurs, on ne me l'a pas beaucoup demandé. Je l'ai fait quelquefois. Mais je dirais que dès que vous êtes à l'intérieur d'une équipe, qu'elle soit gouvernementale ou non, on compose toujours un peu. Je l'ai dit quelque part et je m'excuse de le répéter. Si on compose trop, il y a le moment où on se décompose. Alors, je ne suis jamais arrivée à la décomposition. Mais on peut dire que vous avez été discrète. C'est une promesse que vous teniez ? Ah, je l'ai faite, absolument. J'ai été d'autant plus discrète, avec d'autant plus de soin, que, étant précisément journaliste, j'étais plus suspecte. Donc, je crois qu'il n'y a pas de ministre qui ait été plus rigoureux que moi à ce point. Je n'ai jamais fait état de ce que j'entendais, de ce qui se passait au Conseil des ministres. Je crois que nous sommes convenus de croire que vous n'écririez plus de la même manière étant passé justement par le pouvoir. Autrefois, et aujourd'hui encore, vous étiez journaliste. Je ne suis pas sûre, non. Je crois que j'écrirais de la même manière. Toujours de la même manière, parce que le pouvoir, vous le connaissez bien maintenant. Oui, oui, je le connais bien. Avant, c'était un mythe. Pas vraiment, je le connais bien. Je crois qu'il ne faut pas accabler les hommes de pouvoir, mais que d'un autre côté, personne n'est au pouvoir qui ne l'ait voulu. Et j'ajoute que je ne me suis jamais rebellée ni officiellement ni à l'intérieur de moi-même contre les critiques qui m'ont été adressées. Je trouve tout à fait légitime que l'on prenne pour cible quelqu'un qui est au pouvoir, puisqu'encore une fois, ça ne vous arrive jamais contre votre gré. François Giraud, vous êtes reproché une seule fois d'avoir dit un jour oui. Oui, franchement oui. Mais d'ailleurs, quand je me le suis reproché, j'ai écrit au président de la République pour lui dire que je voulais quitter le gouvernement. On peut penser que vous avez été quand même cruellement déçu. Déçu par quoi ? Par beaucoup de choses. Je ne peux pas dire. Vous savez, je n'avais pas beaucoup d'illusions. Alors, je n'ai pas eu à en perdre énormément. Non, je n'ai pas été déçu. On pourrait penser alors que vous êtes allé au gouvernement comme une journaliste qui voulait faire son enquête, mais de très près. Écoutez, ce n'est pas tout à fait vrai, non ? Là, vraiment, ce serait une interprétation inexacte. Parce que, même dans le journalisme, j'ai fait un type de journalisme qui n'était pas tellement un journalisme d'enquête. J'ai vraiment cherché à faire comprendre des choses, à créer un état d'esprit, à faire participer les gens aux opinions que je croyais bonnes. Par conséquent, d'une certaine manière, j'ai continué, mais de l'autre côté. C'est-à-dire que j'ai cherché à faire quelque chose. Je n'étais pas parmi les journalistes que je respecte, je m'empresse de vous dire. Ce n'est pas du tout une critique à leur égard. Mais enfin, qui sont des journalistes d'enquête, qui cherchent avant tout à découvrir des choses et à les raconter. J'étais ce qu'on appelle une éditorialiste. C'est un peu différent. Enfin, vous avez souhaité toute votre vie, et plus particulièrement lorsque vous étiez à la condition féminine, vous avez donc souhaité tendre vers l'équivalence entre les femmes et les hommes. Oui. Vous y êtes arrivé ? En ce qui me concerne, à peu près. Autant qu'on puisse y parvenir, je crois. Vous avez été reçu comment au gouvernement ? Et comment êtes-vous reçu aujourd'hui ? Est-ce différent ? J'ai été reçu très courtoisement et très poliment. Je ne dis pas traité, je dis reçu. Non, reçu courtoisement et poliment. Ce que les gens pensaient dans leur fort intérieur, je n'en sais rien. Vous savez, les rapports des femmes avec le pouvoir n'est pas le même que le rapport des hommes, pour des raisons évidentes. Et le rapport des femmes avec les hommes qui sont au pouvoir me fait toujours penser à ce qui se passe quand des femmes entrent par hasard dans le vestiaire où se trouvent des sportifs. Ils sont très malheureux. Eh bien, c'est un peu ça. Ils sont malheureux de voir des femmes. Cela dit, ils sont polis, courtois, aimables, un peu gênés. Voilà. C'était la condition féminine. Vous pensez que la formule est exacte ? Il ne faudrait pas dire plutôt la condition humaine ? Vous n'auriez pas été plus à votre place dans un autre ministère, sous un autre terme ? Peut-être, mais enfin, d'abord, ça aurait été vraiment bien prétentieux. Et puis, vous savez, c'est très important, la condition féminine. Ce qui est terrible, c'est que rien n'ennuie plus les hommes, quels qu'ils soient, que ce qui touche à la condition féminine. Dès qu'on aborde ce genre de sujet, quelque chose se peint sur leur visage, quel qu'il soit, et même s'ils sont très, très sympathisants aux idées qu'on peut développer, ils deviennent mélancoliques, absents du président de la République au dernier petit monsieur à qui vous essayez d'expliquer quelque chose. Alors ça, il faut s'y faire, mais savoir que ça ne doit pas empêcher ni d'en parler, ni de travailler pour les femmes. Vous avez toujours eu un bonheur des formules, et lorsqu'il s'agissait de parler d'égalité des hommes et des femmes, vous disiez, d'ailleurs parlant de vos amis les ministres, ils accepteraient plus volontiers la polygamie que l'égalité. Ah, certainement. Vous êtes encore tout à fait capable de le redire, vous le dites. Certainement. Il y en a qui se donnent beaucoup de mal, n'est-ce pas ? Ils comprennent qu'il se passe quelque chose. Enfin, un grand nombre, en tout cas, ont compris qu'il se passait quelque chose. En particulier, le président de la République, qui l'a admirablement pressenti qu'il y avait là quelque chose qui est un phénomène mondial. Mondial, vraiment, même bien au-delà des pays développés. De là à réussir à s'y intéresser profondément, c'est une autre affaire. Mais encore une fois, c'est un trait commun à tous les hommes. Tout à l'heure, je vous demandais si vous étiez redevenu vous-même. J'aurais dû plutôt vous demander si vous aviez appris des choses et si vous étiez différente. Je ne crois pas. C'est toujours très difficile de porter un jugement sur soi-même. J'ai le sentiment d'être restée la même personne en étant ministre, en étant plus ministre. Ce qui me frappe beaucoup en ce moment, depuis quelques mois, c'est l'extraordinaire gentillesse des gens. Extraordinaire. Et je ne parle pas des gens connus et des gens, ça c'est un autre milieu. Je parle des gens que je ne connais pas. Oui. Qui m'arrêtent dans la rue. Il m'est arrivé deux choses qui m'ont beaucoup frappée ces dernières semaines. L'autre jour, une aubergine, comme on dit, était en train de glisser une contravention sur le pare-brise de ma voiture. Et alors je suis arrivée en courant, un peu penaude, et même très penaude, parce que j'étais mal rangée. Alors elle m'a regardée et elle a dit « Ah, c'est vous ». Eh bien, ne recommencez pas. Elle a enlevé la contravention. Et puis, il y a 3-4 jours, j'ai demandé à un plombier de venir faire une petite réparation chez moi. Il est venu, il l'a faite, et au moment où j'ai voulu le payer, il m'a dit non, aujourd'hui c'est gratuit. Alors, pourquoi ça m'a frappée? J'ai reçu aussi beaucoup de lettres. Ce genre de geste me frappe parce que je n'ai rien à donner en retour. Et je crois qu'il ne l'aurait pas fait du tout si j'étais en ce moment ministre. C'est une forme de gentillesse qui est pleine de tact et de délicatesse. À quel parti appartenez-vous aujourd'hui? Au parti radical, pas au parti radical de gauche, mais au parti radical dont je suis l'une des vice-présidentes, l'un des vice-présidents. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est d'avoir l'idée, l'opinion de François Giraud. Le Parti socialiste et le mouvement des radicaux de gauche peuvent-ils aller aux élections sans le Parti communiste? Ils peuvent y aller, bien sûr. Vous le souhaitez, vous? C'est difficile de vous répondre. Et je ne suis pas communiste, Dieu sait, et je ne souhaite en aucune manière voir les communistes au pouvoir. Ça, c'est très net et clair. Et surtout, je ne souhaite en aucune manière vivre dans une démocratie populaire. À cet égard, bien sûr, je trouve excellent qu'il y ait cette rupture, en tout cas pour le moment. Parce que ce qu'a cherché François Mitterrand, c'est bien clair, c'est tout de même à réunifier, si je puis dire, la gauche, à réintégrer les électeurs communistes. Je ne parle pas du parti communiste, parti c'est autre chose, mais à réintégrer les électeurs communistes dans la vie nationale. Donc c'est une affaire qui est compliquée, complexe, et il me semble qu'on ne peut pas en parler comme ça légèrement. Mais on peut dire quand même, François Giraud, que lorsque vous étiez au gouvernement, vous étiez devenu plus tendre que lorsque vous étiez journaliste. Et je crois tendre à l'égard des membres du gouvernement? Non, tendre même peut-être à l'égard des gens d'une manière générale. C'est-à-dire, vous étiez, c'est ce que je disais un peu tout à l'heure, on devient sans doute, enfin je me pose la question, on devient sans doute quelqu'un d'autre, même si on ne le veut pas, par nécessité. Bien sûr, mais en même temps, je pourrais vous dire quelque chose qui me montre que je n'avais pas tellement changé, c'est que vous savez que les membres du gouvernement sont extraordinairement sensibles à ce qu'on écrit sur eux et à la presse. Enfin, quand on dit la presse va dire ceci, les journalistes vont faire cela, ils sont dans un état épouvantable. Et bon, la presse, dans l'ensemble, a été plutôt courtoise avec moi, et en tout cas, jugeant ce que je faisais convenablement. Et puis, il y a aussi ce que j'appelle la basse presse, qui s'est conduite comme elle a l'habitude de se conduire. Mais, quelle que soit la presse et la façon dont on m'a traité, j'ai toujours réagi, moi, en me disant, ils sont journalistes, ils font leur métier, les uns le font bien, les autres le font moins bien. Mais il est normal qu'ils aient cette position. Jamais je n'ai eu la réaction, mais la presse, c'est épouvantable, la presse. S'il n'y avait pas la presse, tout serait si facile. Je répéterai, je dirais, en même temps, on pourrait dire aussi, s'il n'y avait pas d'électeurs, ce serait tellement plus simple. Ça, c'est la même chose. Donc, à cet égard, et je me suis efforcée de faire partager ce point de vue aux hommes de gouvernement que je rencontrais. D'ailleurs, vous savez que le président de la République, lui, n'a pas cette attitude à l'égard de la presse, même s'il en souffre. Ça, c'est une autre question. Mais faire comprendre que la presse a un rôle, que c'est l'anti-pouvoir, ça m'a paru toujours important et je n'ai pas bougé sur cette position, encore une fois, même quand j'ai été moi-même attaquée. Enfin, vous avez été la directrice d'un journal important, l'Express, puis un jour, vous avez quitté ce fauteuil pour prendre celui que l'on vous offrait au gouvernement, et puis un autre jour, vous avez quitté ce gouvernement. Et d'une certaine manière, vous avez perdu ce que vous étiez avant. Ah, mais oui. Alors, vous doit-on quelque chose? Lorsqu'on fait perdre à quelqu'un un peu de ce qu'il était, ne doit-on pas, d'une certaine manière, n'employons pas le mot qui n'est pas beau, rembourser, mais essayer de faire quelque chose pour lui? Vous a-t-on proposé quelque chose? On m'a proposé quelque chose et on ne me doit absolument rien. Absolument rien. Là, vous redevenez journaliste et je n'ai besoin de rien. Je n'ai besoin de rien, non. Et en plus, je considère que... je vais vous dire, je crois qu'il est important, en effet, d'une façon générale, je ne parle pas pour moi, que les gens qui s'engagent dans la politique et qui prennent des risques assez graves aient le sentiment que si vraiment ils se retrouvent sans un franc, sans situation, ils seront, on leur tendra la main, parce que sans ça, il y en aura de moins en moins, vous n'aurez plus que des gens effroyables. Il faut que des gens qui ont une certaine dimension, une certaine qualité, s'engagent dans la politique. Et ils n'ont même pas le droit de le faire, j'irais à la limite, vis-à-vis de leur famille. S'ils ont l'impression qu'ils risquent brusquement d'être rejetés dans des ténèbres. Moi, je ne suis pas dans cette situation, de toute façon. Je ne suis pas directrice de l'Express, mais enfin, je ne suis pas quelqu'un à plaindre. Je sais faire un métier, je sais écrire. Et d'une façon générale, je suis quelqu'un qui est capable de se débrouiller. Alors demain, que souhaitez-vous, être directrice d'un journal ou être présidente d'une chaîne de télévision? Non, écoutez, j'ai beaucoup dirigé, entre guillemets, dans ma vie. Vous allez diriger encore, sans en doute. En fait, depuis 1946, ça fait plus de 30 ans que j'ai eu vraiment des entreprises sur les bras. Par conséquent, de ce côté-là, je suis plutôt saturée, en tout cas pas frustrée. Donc ça n'est pas, à première vue, ce qui m'allécherait le plus. Mais enfin, je ne sais pas. Vous savez, je n'ai jamais cherché à faire quelque chose délibérément. Les choses me sont arrivées quand elles sont arrivées, quand elles sont passées. En général, je les ai prises. Eh bien, je prendrai, dans ce qui passe, car beaucoup de choses passent en ce moment devant moi, j'essaierai de prendre ce que je ferai le mieux. Enfin, une chose est sûre, une chose est vraie, François Giroud, c'est votre propre transformation. Moi, j'ai l'impression, et je parle en journaliste, qu'un jour, vous avez abandonné vous-même le journalisme et que cela a été pour vous un terrible point de rupture. Non, je n'ai pas abandonné le journalisme, d'ailleurs, je compte bien y revenir. Non, mais vous y êtes. Non, mais pendant le temps. Ah, pendant ce temps-là. À la condition oui. féminine, ah, à oui. la culture, vous avez abandonné le journalisme. Ah, totalement. Non, ce qui est dur, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est d'être du côté du pouvoir. Ça, c'est très dur. Mais vraiment très dur. Parce que quand vous êtes au gouvernement, vous devez travailler pour le bien du gouvernement. Et pas pour le bien, ou au moins pour ce que vous croyez être le bien de ceux dont vous avez la charge. Et ça, c'est très, très, très, très difficile à accepter. D'ailleurs, on fait des gaffes, moi j'en ai fait, je le reconnais volontiers. Tout à l'heure, je parlais de vos formules, mais parfois, il vous arrive d'être dur, il vous est même arrivé souvent d'être dur. Il y a des mots qui comptent, il y a des phrases qui tiennent. Lorsque vous dites, par exemple, de Chavandelmas au moment du duel avec Giscard, on ne tire pas sur une ambulance. Oui, ce n'était pas un mot sur lui, je veux dire, c'était une situation. Or, vous savez, quand les mots comme ça font mouche, c'est généralement parce qu'ils expriment une situation. Non seulement il fait mouche, mais il fait mal. Il cristallise une situation que les gens ressentent. Mmh. Sinon, les mots ne font pas mal. Je suis désolée de lui avoir fait mal, d'ailleurs, parce que c'est un homme gentil, profondément, au vrai sens du mot gentil. Enfin, c'est vrai que ça lui a fait mal. Vous l'avez dit, tous les gens qui écrivent savent que des formules viennent et qu'on n'y renonce pas. Non, on ne peut pas y renoncer. Et lorsque vous écrivez « Toute relation intense avec le pouvoir n'est qu'un avatar de la sexualité », cela veut dire quoi? Oh, je crois qu'il y a effectivement une relation entre la sexualité et le pouvoir, d'une part. D'autre part, c'est l'envie de prendre. C'est l'envie de prendre, c'est l'envie de dominer. Et puis, je vous disais tout à l'heure que la relation des femmes et des hommes avec le pouvoir ne peut pas être la même. Je crois qu'il y a une raison profonde à cela, c'est que, d'une façon générale, hein, généralisons un peu, si on peut se le permettre, le pouvoir est un élément de séduction chez un homme. Ce n'est pas un élément de séduction chez une femme, je dirais même que c'est le contraire. C'est très important, réfléchissez-y. Je crois que c'est ce qui fait toute la différence des relations des hommes et des femmes avec le pouvoir. Vous le pensez vraiment? Ah oui, profondément. Alors encore une fois, il y a des exceptions. Il y a peut-être des hommes qui aiment les femmes puissantes, dominatrices, entourées de chauffeurs et de voitures. Je ne vous dis pas qu'il n'y en a pas. Mais enfin, d'une façon générale, on ne peut pas dire que le pouvoir d'une femme ajoute à sa séduction. Je dirais que c'est plutôt le contraire. Alors qu'incontestablement, pour la majorité, encore une fois, le pouvoir qui entoure un homme ou qu'il exerce ajoute à sa séduction. Vous serez obligé d'écrire sur le pouvoir. Le mot revient tellement. Mais vous allez raconter votre expérience, ou vous allez dire des choses, ou vous allez parler de Giscard d'Estaing et le mettre à sa vraie place. Parce que vous savez, ce livre, on l'attend. Oui, eh bien j'espère bien qu'on l'attend. Écoutez, je n'ai pas du tout l'intention, je ne suis pas du tout en train de raconter mon histoire. Mon histoire, elle n'intéresse que moi, et je vous le disais tout à l'heure, je ne suis même pas sûre qu'elle m'intéresse. En tout cas, ce n'est pas du tout le propos de mon livre. Je me suis trouvée dans une situation tout à fait singulière, au vrai sens du terme, puisque à l'intérieur de la machine du pouvoir, et entraînée professionnellement, ce que tout de même, entraînement que très peu de gens ont, entraînée par des années, à observer, à enregistrer, et à réfléchir politiquement sur ce que j'enregistrais. Donc, je crois que je dois faire, que c'est presque à la limite un devoir, je veux dire, par rapport à des gens qui m'ont lu pendant des années, je crois que je dois dire ce que j'ai compris, vu, et les conclusions que j'en tire. Mais il ne s'agit pas du tout d'attaquer celui-ci, d'abîmer celui-là, ou de révéler des secrets. Ce n'est pas du tout mon propos. C'est un livre qui pourrait venir chez les libraires à la veille des élections de 78. Écoutez, je ne sais pas encore. Ça, Mais est-ce votre propos? Tant qu'un livre... Je ne vois pas de... Il n'y a pas de relation directe, enfin, ce n'est pas lié à un problème électoral. C'est vraiment un livre sur le pouvoir. François Giraud, vous avez été au pouvoir... vous avez exercé ce pouvoir, vous en avez été déchargé, vous êtes entré au gouvernement et cela donne sans aucun doute une dimension nouvelle, du moins avez-vous eu un regard nouveau. La journaliste n'avait pas d'ennemis. Oh si. Pas tellement. Oh, mais non, comment mais pouvez-vous était, dire elle était ça du moins appréciée, tandis que le ministre s'en est fait. Mais ne croyez pas ça, j'ai eu beaucoup d'ennemis comme journaliste. Il y a même, pendant la guerre d'Algérie, il y a même un journal qui avait demandé qu'on me fusille. La moindre des choses. Non, j'ai beaucoup d'ennemis, au contraire, comme tous les gens qui sont engagés fortement dans une position, c'est tout à fait normal, je ne trouve pas anormal d'avoir des ennemis. On dit le journaliste, on dit la journaliste, on dit le ministre, on ne dit pas la ministre. Et j'imagine qu'à certains moments, on a dû vous dire bonjour monsieur le ministre. Oh oui, très souvent, à Simone Veil aussi d'ailleurs, ça me fait toujours beaucoup rire. Ça vous gênait? Non, c'est un peu drôle, non? À quel moment, François Giraud, avez-vous véritablement souffert de l'accablement du sort? À quel moment avez-vous été touché? Parce qu'il arrive un moment quand même où on peut être blessé. Et on ne s'en rend pas compte toujours lorsqu'on n'est pas dans ces cas-là. Si, j'ai été profondément blessé par la nature des attaques. Mais en même temps, j'ai toujours, ça, je ne sais pas si c'est le fait d'être journaliste, j'ai toujours une sorte de curiosité pour les autres. Qu'est-ce qui peut les conduire se comporter comme ça? Pourquoi? Pourquoi? Sont-ils malheureux chez eux? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils ont dans leur vie? Est-ce qu'ils sont vraiment si malheureux que ça? Est-ce qu'ils sont vraiment si haineux? Est-ce que ça leur fait vraiment tellement de peine que quelqu'un puisse donner les apparences de la réussite ou de... Je dis les apparences parce que la vie des autres n'est jamais si simple, comme vous savez. Mais enfin, c'est vrai que le fait que je sois devenu membre du gouvernement a mis à tout un petit monde en transe, n'est-ce pas? Comme si brusquement j'avais épousé le chaliran, je ne sais pas, moi. C'est absurde. Et qu'il y a des gens qui souffrent dans leur vie, qui sont misérables, qui sont trompés, qui sont pauvres, qui sont je ne sais pas quoi, qui sont laids, qui sont tout ce que vous voulez, et qui ne supportent pas ça. Vous pourriez épouser le chaliran? Non, vraiment pas. D'ailleurs, je doute qu'il en ait jamais envie. On peut dire, François Giraud, que vous avez quand même fait la somme des souffrances. Nous ne sommes pas là pour parler de votre vie privée. Vous avez perdu un jour un enfant et c'est plus grave que tout ce qui peut arriver après. C'est le malheur absolu, oui. Et je vous dirais que d'une certaine manière, c'est un malheur qui rend invulnérable aux autres, qui lui sont incommensurables. Mais on pourrait quand même s'interroger sur les origines de la méchanceté. Pourquoi? Il y a sûrement des causes. Lorsque les gens sont à ce point méchants. Je crois que c'est le malheur qui rend méchant. C'est autre chose que l'agressivité. L'agressivité est un état naturel et heureux. Je crois que c'est le malheur qui rend méchant et je crois que en particulier les femmes malheureuses, et elles sont probablement plus nombreuses que les hommes. Je ne dis pas que leur vie est plus difficile, la vie des hommes n'est pas si simple. Mais il y a beaucoup de femmes malheureuses. Et alors, les femmes malheureuses, en face de femmes dont elles se disent qu'elles ont réussi à surmonter le vieil asservissement, en tout cas dans un certain nombre d'aspects de leur vie, ces femmes sont extraordinairement dangereuses. Mais je vous dirais qu'elles me serrent quelquefois le cœur, que je ne réussis pas à leur en vouloir tout à fait, pas plus qu'on ne peut en vouloir aux chiens qui vous mordent quand ils ont été battus, quand ils étaient petits. C'est la même chose. Elles ont été battues. Elles le sont peut-être encore, d'une certaine manière. Vous vous battrez encore pour les femmes? Ou c'était simplement un temps de votre vie? Certainement, je me battrai toujours pour les femmes. D'abord, je les aime bien. D'abord, avec les femmes. J'ai rencontré avec les femmes et pour les femmes, avec les femmes maintenant. Je les aime, j'aime bien les femmes. Quand les femmes sont bien, elles sont formidables. Et j'en ai rencontré beaucoup au cours de cette expérience, très différentes des femmes que je n'avais pas eu l'occasion de rencontrer dans ma vie depuis longtemps, en tout cas. Les femmes agricultrices, il y a des femmes absolument fantastiques parmi elles, de courage, d'ingéniosité, de rapport avec la réalité, dans tous les milieux. J'ai rencontré des femmes tout à fait exceptionnelles Et j'en ai eu un grand plaisir. Et vraiment, elle donne envie, en grand nombre, de travailler avec elle et de les aider, si on peut les aider. Y a-t-il encore, à votre avis, des misogynes ? Oh, bien sûr, et puis il y en aura toujours. C'est nécessaire ? Mais il y a plusieurs espèces de misogynes. Oui. Il y a les vrais et les faux. Je dirais, il y a ceux qui sont malades, c'est pathologique. Alors là, il ne faut surtout pas s'en occuper, il faut les laisser à leur maladie. Et puis, il y a ceux qui sont pleins d'idées reçues et qu'on peut convertir. Et cela, alors, ça vaut la peine de leur parler. Bon, François Giroud, on le sait, aujourd'hui, vous écrivez un livre, mais cela, puisque vous avez une boulimie de travail, ne doit pas vous suffire. C'est un grand travail d'écrire un livre, c'est très absorbant. Vous savez, c'est comme de nourrir un enfant, un livre. Ça vous coupe un peu de la réalité. Et surtout celui-là, où vous avez surtout beaucoup de choses à dire et qui ne sont pas de vous. Oui, exactement. Qui sont seulement un regard et vous ne pouvez pas vous tromper. Non, je n'ai pas le droit. En tout cas, je veux être aussi honnête que possible. Mais lorsque vous allez aux États-Unis et que vous faites toute une série de conférences, vous parlez de quoi ? Du gouvernement, de la presse, de la télévision, de la radio ? Vous savez, aux États-Unis, très souvent, je rencontre tout simplement des étudiants dans les universités qui posent des questions. Ce sont des débats très libres. Ou bien, s'ils le souhaitent, alors je leur parle des femmes, je leur parle de la presse, je leur parle des intérêts. C'est très agréable de rencontrer des gens qui parlent très librement, qui posent des bonnes questions. Et c'est une manière de reprendre un contact, d'abord avec les États-Unis, ce qui est important, puisque c'est un pays qui joue un rôle important dans le monde, et aussi avec les jeunes gens, ce qui est important. Il vous pose cette question, où est le libéralisme ? Est-il chez Valéry Giscard d'Estaing ou est-il chez François Mitterrand ? Je ne suis même pas sûre qu'ils connaissent leur nom. Vous savez, pour les États-Unis, la France... Il n'est pas très gentil pour le président de la République. Ce n'est pas méchant. Hélas, ce n'est pas le président de la République. C'est tout simplement que pour les États-Unis, il y a l'Europe. Il parle de l'Europe. Il parle très rarement d'un pays particulier en Europe. Je ne dis pas le personnel politique de Washington, bien entendu, mais je vous parle des étudiants dans les universités. Eux, vraiment, ils ne savent pas. Non. Vous arrive-t-il de vous interroger sur votre itinéraire ? Parce que c'est l'itinéraire d'un journaliste, d'une journaliste c'est et d'une femme. C'est un curieux itinéraire, surtout qu'il a commencé par le cinéma. Non, libraire d'abord. Enfin, sténodactylo. Sténodactylo, oui. Mais chez oui, son libraire. C'est un curieux itinéraire. Enfin, ce qu'il a de plus curieux, c'est que je n'ai rien fait pour qu'il soit comme ça. Oui. J'ai toujours voulu faire des choses, j'ai essayé de faire bien, activement, enfin ardemment, si je puis dire, ce qui m'a été donné à faire. Mais quand je vois le petit bout de fil rouge, je tire. Mais je ne vais pas le chercher. Et ça, c'est très étrange. Enfin, sténodactylo, script girl, dialoguiste, scénariste. Et puis un jour, vous découvrez votre passion de l'écriture. Mais cette passion devait être inscrite quelque part. J'ai toujours eu cette passion d'écriture. Et mon père écrivait admirablement bien, il était journaliste lui-même, oui. Et je pense que c'est de là que j'ai pris à la fois la passion du journalisme et de l'écriture et de l'expression écrite, qui pour moi est capitale. Et vous étiez très jeune lorsqu'il est mort, et peut-être à cause de cela, vous avez peut-être été obligé d'aller quelque part. D'une certaine manière, c'est sur moi qu'a été transféré... le devoir de reprendre le flambeau, si je puis dire. Mais vous pensez, François Giroud, que les choses sont écrites, que c'était inscrit quelque part, cet itinéraire. On se demande toujours, les choses viennent-elles comme elles ont été écrites ? Ou bien faut-il faire confiance au hasard ? Est-ce que c'est écrit ? Difficile à dire. Quelle part on a dans son propre destin, vous deviens qui tu es. Je crois qu'on a une part dans son destin, ce serait absurde de dire le contraire. Mais tout de même, la part du hasard, la chance. Moi, j'ai eu vraiment, dans quelques circonstances, une chance extraordinaire. Je crois que... Seulement la chance. On a la chance deux fois. C'est la chance, plus le travail, plus dans le type de métier que j'ai eu à faire, le journaliste, disons l'aptitude. Alors, si l'un des trois éléments manque, vous ne pouvez rien faire. Vous savez, l'aptitude et le travail, si vous n'avez pas la chance... Ça ne marche pas très bien. Parce que vous chance et l'aptitude, si vous ne travaillez pas, ça ne sert à rien. Et la chance et le travail sans l'aptitude, ça ne sert à rien non plus. C'est une combinaison des trois. Alors, elle se produit ou elle ne se produit pas. Parce que vous aurez eu toutes les expériences, toutes les possibilités. Il y a le cinéma que vous connaissez bien, mais il y a la presse, directrice de Elle. Et Elle, c'était le journal. Oui, je voudrais dire cependant que je ne parle pas alors du gouvernement, qui est une autre affaire. que j'ai eu, alors une chance de base, c'est de faire des métiers où on peut montrer très vite ce que l'on sait faire. C'est vrai. Et dans ce type de métier, le journalisme ou le cinéma, la discrimination à l'égard des femmes est forcément beaucoup moins grande. Un bon article, c'est un bon article. Un bon journaliste, c'est un bon journaliste. Un bon scénariste aussi. Là où les choses deviennent très compliquées, c'est quand il s'agit d'avoir des postes à responsabilité, comme on dit. C'est là que les femmes sont vraiment handicapées. Alors, quand on a eu déjà l'occasion de montrer qu'on sait écrire, travailler, c'est plus facile. Et puis, j'ai commencé par diriger un journal de femmes. Ça ne gênait personne du moment que c'était des femmes. Ah oui, c'était normal. Oui, d'accord. J'ai eu beaucoup d'éléments. Mais l'Express était moins normal. L'Express était moins normal. Et là, vraiment, j'ai eu de la chance. L'Express, c'était très dur. Alors, y a-t-il de bons patrons? Non, bien sûr que non. C'est pourtant le patron. Mais c'est bien pour ça que je peux me permettre de le dire. Il n'y a pas de pouvoir intrinsèquement bon. Vous le pensez vraiment ? Ah, profondément. Alors comment peut-on vivre dans une société, dans toutes les sociétés, il y a un pouvoir, il y aura toujours un pouvoir. Bien sûr, mais... Alors faut-il sacrifier le pouvoir ? Non, je crois qu'il faudra toujours que les gens, que des gens remplissent ces tâches extrêmement ingrates, car ce sont des tâches ingrates qui sont celles des, d'une certaine manière, qui sont celles des gens de pouvoir, qu'il s'agisse des patrons, entre guillemets, ou des présidents, ou des ministres, ou des préfets, ou des administrateurs, il faudra que des gens les remplissent. Mais il est absolument nécessaire pour moi, ça c'est ma conviction la plus profonde, que les gens reprennent le pouvoir sur leur propre vie, qu'ils puissent former les projets qui les concernent et les mener à réalisation eux-mêmes. Voilà, c'est ce transfert de pouvoir auquel il faut arriver. Peut-on dire que vous serez toujours, et pour des raisons d'hier, la complice, dans le bon sens du mot, de Jean-Jacques Servan-Schreiber ? Écoutez, je ne me sens pas complice. C'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'amitié et même de tendresse. Je crois que c'est réciproque. Nous avons fait ensemble ce journal. Nous le connaissons depuis, je ne sais pas, plus de 25 ans. Et une ou deux fois, j'étais en désaccord avec lui politiquement, c'est public, et en particulier en 1974. Je trouve qu'il a énormément de courage, qu'il est haï comme le sont tous les gens dans le domaine politique, qui ont ce sens de la vérité de demain, qui sont des augures. Rien ne fait plus mal en politique que la vérité de demain. Il ne faut pas être à l'avance. Voilà. Et qu'il remplit là un rôle absolument capital et important. Alors, me demander complice, non, c'est quelqu'un dont je me sens très solidaire, mais ça ne m'empêchera jamais de dire, dans telle circonstance, je crois qu'il a tort. Et la réciproque est vraie. J'ai lu un article que Fanny Deschamps vous consacrait il y a quelque temps. Elle parlait de la marche du temps dans une entreprise menée par vous. Et elle disait d'abord, on s'informe. Elle disait, il faut s'informer au trop, oui, auprès de vous. Ensuite, on délibère, oui, mais pas longtemps. C'est vrai, ça, vous n'aimez pas les grandes délibérations. Non, je n'aime pas le baratin. Ensuite, on décide. Mais alors là, il faut que ce soit vite fait. Mm-hmm. Vous êtes une femme de décision. Oui, je crois. Enfin, c'est tout à fait nécessaire quand vous dirigez quelque chose. Après réflexion, tout de même. Après réflexion et après consultation, oui. Je n'aime pas décider seule. Ce n'est pas seulement parce que je crois à la participation, comme on dit, c'est parce qu'elle m'est indispensable. Vous devez avoir plusieurs avis. J'ai besoin d'avoir des avis et j'ai besoin que ma propre opinion trouve un mur ou rebondir et que l'autre m'apporte son point de vue. J'en ai besoin pour arriver à former ma décision. On exécute, mais alors là, vous voulez que ce soit au galop. Oui. Et puis après, vous vérifiez. Et là, on retrouve le journaliste. Oui, bien sûr. Oui, je me souviens de cet article. Il était très gentil. Il m'a touché, puisqu'en effet, elle travaillait dans un journal que je dirigeais. En général, les gens qui ont travaillé avec moi sont assez gentils dans leur jugement. Et c'est quelque chose à quoi je suis sensible, parce que l'idée qu'on n'a pas rendu malheureux les gens qui travaillaient avec vous, c'est plutôt agréable, non ? On peut dire, François Giraud, que lorsque vous étiez dans votre fauteuil de directeur dans la presse, vous arriviez à décider, à exécuter et à conclure. En était-il de même au gouvernement où les choses étaient quand même beaucoup plus difficiles ? C'est très difficile. Au gouvernement, les choses se font très très très lentement. Ce qui est d'une certaine manière normal. La France est éternelle, les ministres passeront, l'administration restera. On est dans un tout autre système. Alors, ce qui est difficile pour les gens qui, comme moi, viennent du privé et qui ont l'habitude de diriger, c'est que le système est complètement à l'inverse, n'est-ce pas ? En général, dans les affaires privées, on prend son temps pour former sa décision. Et puis, une fois qu'elle est faite, une fois qu'elle est prise, elle est rapidement exécutée. Au gouvernement, c'est le contraire. Parce que, enfin, je généralise là aussi un peu, c'est le contraire parce qu'on ne prend jamais de décision avant que l'événement n'exerce une telle pression qu'on soit obligé de prendre la décision. Donc elle est presque toujours prise, très vite, sous une pression et pas dans les meilleures conditions possibles. Chacun le sait. Il n'y a qu'à regarder ce qui se passe dans les débats du Parlement tout d'un coup, à 4 heures du matin. Ça, ce n'est pas très sain comme méthode de travail, mais enfin bon, c'est comme ça et il y a des raisons profondes pour lesquelles c'est comme ça. Puis une fois la décision prise, donc, dans la précipitation, alors là, avant qu'elle soit appliquée, il peut se passer des années. C'est absolument le phénomène inverse. C'est dur quand même d'être au gouvernement, parce que j'imagine que vous devez lancer des idées, que vous devez croire à des choses, et qu'ensuite, on vous change ou de ministère, ou on vous enlève dur, du gouvernement, et vous ne pouvez dur, pas poursuivre. C'est dur, c'est en même temps... vous savez, tous les gens, moi y compris, ont besoin de se caresser comme ça à la conscience, en se disant « je travaille pour les autres hein ». C'est un sentiment général. On aime travailler d'une façon désintéressée, on se fait plaisir. Or, il n'y a pas de travail plus désintéressé. Puisque si vous ne faites rien, comme ministre, vous savez, personne ne vous dira jamais rien. Ce qu'on peut faire de mieux pour sa propre carrière, c'est d'être immobile dans son fauteuil. Dès que vous êtes immobile, vous ne gênez personne. Donc vous êtes à peu près sûr de faire une bonne carrière. Dès que vous remuez quelque chose, vous dérangez forcément des intérêts, des points de vue, des préjugés. Dans un marteau-pilon, pour tuer une mouche. Donc ils s'en souviennent, parce que c'était lourd, le marteau-pilon. Mais de toute manière, vous n'avez pas fait une carrière, vous, François Giroud. Vous avez fait non, une vie. Non, pas du tout. Absolument, c'est une très bonne formule. Oui, et c'est la continuité. J'en ai même fait plusieurs. Oui, vous dites d'ailleurs que vous avez vécu plusieurs vies. Mais oui, mais pour vivre plusieurs vies, il faut mourir plusieurs morts. Voilà, exactement. Ça, c'est un peu dur, quelquefois. Mais vous l'avez assumé, également. Oui, je ne sais pas comment j'aurais pu faire autrement, d'ailleurs. La vie, c'est difficile pour vous ? Oh non. Non, pas vraiment. Pas vraiment, pas maintenant en tout cas. Ça a été difficile. Non, maintenant je suis quelqu'un de serein, de calme et de vieillissant qui regarde le monde. Vous dites vieillissant en souriant quand même. Ah, bah, d'abord tout le monde vieillit, non? Non, non, pas du tout en souriant, pas du tout en souriant. Mais comme vous avez eu une douzaine de vies, vous pouvez en avoir combien encore? Ah mais je ne sais pas, ça m'intéresse beaucoup. Parce que je suis tout à fait décidée à en avoir le plus possible, voilà. On peut sortir d'un tunnel un jour. Et je crois qu'il est bon de le dire à ceux qui pourraient désespérer. Mais naturellement, on peut sortir d'un tunnel. Et de quel tunnel? Enfin, moi, je ne suis pas dans un tunnel en ce moment. Au contraire, j'ai plutôt l'impression d'être sorti d'un tunnel. Je suis tout à fait à l'air libre et dans les vraies conditions de la liberté. Mais on peut sortir d'un tunnel, oui. Absolument. Il faut que les gens vous aident un peu. Enfin, vous aident. Il y a une manière d'aider, bien sûr. C'est difficile de sortir d'un tunnel quand ça peut s'appuyer sur aucune amitié, sur aucune chaleur. Mais enfin, c'est rare qu'il n'y ait pas quelqu'un pour vous donner de l'amitié ou de l'amour, de la tendresse. En tout cas, ça ne m'est jamais arrivé. Il faut savoir écouter, il faut savoir entendre, il faut savoir regarder. Oui. Ne pas être indifférent. Je crois qu'il ne faut jamais s'attendrir sur les gens qui ont des difficultés. On ne leur rend pas service. Mais qu'il faut les écouter. Vous avez eu des difficultés avec les femmes? Non, pas du tout. Non. Dans le travail, vous voulez dire, moi, en général, non, aucune. Ah non, vraiment pas. Alors, elles ont été formidables, les femmes qui ont travaillé avec moi. Et beaucoup sont venues travailler très spontanément et de tous les horizons politiques, ce qui était assez caractéristique. Je ne vous donnerai pas leur nom parce qu'aujourd'hui, ça pourrait les gêner. Mais aussi bien des femmes venant de la gauche, la plus à gauche, que de la majorité la plus à droite, sont venus tout à fait spontanément travailler, m'ont apporté des idées, des dossiers. Il se passe quelque chose au niveau des femmes qui comprennent très bien que, bon, les divisions politiques existent naturellement, mais il y a quelque chose qui s'appelle tout de même les conditions féminines. Où est le plus chaud des berceaux de souvenirs? Il est dans la presse? Il est au ministère de la condition féminine ou au ministère de la culture? Remarquez, à la culture, vous aviez les jardins du Palais Royal, vous aviez le fauteuil de Malraux. Ah oui, c'est un beau ministère, la culture. Le président de la République m'a dit un jour, il n'y a que deux beaux portefeuilles, à part bien sûr les finances, c'est la culture. Enfin, il n'y a pas que deux, mais les deux plus beaux portefeuilles, c'est la culture et la coopération. Et c'est vrai. La culture, c'était très très intéressant. La condition féminine, c'était passionnant. C'était différent en ce sens que ça n'était pas un ministère opérationnel, c'est un ministère horizontal où il fallait toujours passer par les autres. C'est différent comme travail. Les deux m'ont beaucoup intéressé. Je l'ai dit, mon cœur est quand même avec la presse, parce que là, j'ai créé. Et pendant ce temps-là, vous avez pu donner une vraie définition au mot culture ? Non, j'ai essayé. On en a donné tellement. On a tant écrit, et tant de gens de grands talents ont écrit sur la culture, que je ne me sens pas obligée d'y ajouter. Dans votre vie, François Giroud, on peut dire que vous aurez eu de bonnes fréquentations. Bon, ah oui. Jean Renoir, Rému, très bonne fréquentation. André Gide. Et j'ajouterais que j'ai eu la chance d'avoir d'abord ces bonnes fréquentations dont vous parlez, et puis j'ai eu des bonnes fréquentations au niveau des gens non connus. Oui. C'est-à-dire que j'ai été entourée de collaborateurs merveilleux, je veux dire, à l'Express, et alors dans le cadre des ministères, ce que je ne soupçonnais pas du tout possible. Pourquoi vous ne soupçonnez pas ? Parce que c'est un monde bizarre, le monde des cabinets, le monde des fonctionnaires, le monde de l'administration. Je ne le connaissais pas du tout, je ne savais pas comment le prendre, oui. Je ne savais pas comment il me prendrait. Parce que je n'ai pas des méthodes de travail qui sont celles des ministres habituels, du tout. Pas du tout. Vous savez, les ministres, c'est sacré. Il y a autour d'un ministre une espèce de faux respect, qui est une des choses les plus pénibles qui soit, n'est-ce pas ? Vous ne pouvez pas apporter, pas une serviette, une feuille de papier, n'est-ce pas ? On ouvre les portes devant vous. À la culture, c'était extraordinaire. À la culture, à la condition féminine, il y avait un ministère où quand le ministre arrive, on sonne en bas. Un huissier sonne, parce qu'on ne sait jamais, quand le chat n'est pas là, peut-être que les souris dansent, n'est-ce pas, pour que tout le monde soit bien à sa place. Vous voyez, oui. Que ça puisse exister, c'est un état d'esprit absolument extraordinaire. Pour quelqu'un qui dirige un journal, et qui en plus n'aime pas ces manifestations de faux respect, c'était tout à fait dérisoire et comique. J'ai donc tout à fait changé ce type de relation, autant qu'on peut les changer. Et j'ai travaillé avec des gens à mon cabinet, intelligents, travaillant comme des fous, m'aimant bien, je crois, acceptant l'idée que je puisse les appeler par leur prénom et qu'ils puissent me répondre de la même manière, ce qui est tout à fait monstrueux, qu'on ne nous appelle pas Madame le Ministre tous les trois phrases. D'ailleurs, peut-être ai-je tort, peut-être qu'il faut laisser... Je ne crois pas. Profondément, je crois que c'est fini, que c'est démodé, que c'est horrible. Et si cela faisait plaisir à ceux, justement, qui vous disent « Monsieur le ministre, Madame le ministre ». Écoutez, j'ai travaillé avec des gens, je crois, d'une qualité trop grande pour que ça ait pu leur faire plaisir. En tout cas, ils sont très bien accoutumés à ne pas le faire. Et alors, l'administration que j'ai connue à la culture, qui est une grande administration, j'ai trouvé là aussi des gens prêts vraiment à travailler avec beaucoup d'enthousiasme, qui ont travaillé très bien. Si on le veut, tout peut changer, on peut faire changer, craquer les habitudes. En tout cas, je crois que ça vaut la peine. Je crois qu'il est temps d'établir des relations un peu différentes de celles qui ont été. François Giroud, rêvons un peu, imaginons deux pièces. Dans la première, il y aurait Rému, Jean Renoir, André Gide, Louis Jouvet. Puis dans l'autre, Valéry Giscard d'Estaing, Jacques Chirac, François Mitterrand, Georges Marchais. Vous allez dans quelle pièce ? Écoutez, pour la conversation... C'est là où ça devient difficile. Pour la conversation, ça me paraît difficile de mélanger Rému et Jean Renoir, voyez-vous. Parce que c'est vrai, oui. Voilà. Je mettrais Jean Renoir dans l'autre pièce. Oh, et André Gide... Et André Gide aussi. C'est un mélange un peu difficile, là, que vous faites. Vous pensez au passé, je veux dire, vous pensez à hier, non. Comme on rêve. Non, pas du tout. C'est hier, aujourd'hui, c'est même pas demain. Oui, hier, en tout cas, ne m'intéresse pas du tout, ne m'a jamais intéressé. C'est aujourd'hui, essentiellement, et c'est demain. J'ai besoin, comme tout le monde, d'espérer. Et vous avez comme un but, et on peut le comprendre, en tout cas, je l'ai compris comme ça, au cours de cette conversation, interdiction de se laisser aller à la tristesse. Absolue, mais moi, je n'ai pas beaucoup de mérite. Je ne sais pas s'il faut dire que c'est un mérite, d'ailleurs, parce que j'ai été élevée comme ça. On m'a appris qu'on doit se tenir. Voilà. Alors, même si je ne le voulais pas, quand on vous a appris ça et qu'on est petit, on le fait. Vous avez mal réagi à la méchanceté, vous êtes passé par la politique, vous avez eu quelques formules et vous avez à votre tour fait mal. Mais pensez-vous, à François Giroud, qu'en politique tous les coups sont permis, et même les mauvais coups ? En rien, tous les coups sont permis. En rien, je ne vois pas... je veux dire, c'est comme si vous me disiez, la fin justifie les moyens. Eh bien non, jamais la fin ne justifiera les moyens, dans aucun domaine. Donc la journaliste peut dire, tout ne peut pas être dit. Certainement. Je veux dire, l'idée d'un certain type, par exemple, d'attaque sur la personne, sur le physique, sur le nom, sur... enfin, toutes sortes. Vous connaissez tout ça, c'est ignoble. Vous écriviez, on tombe toujours du côté où l'on penche. Alors, oui. J'imagine qu'aujourd'hui, vous savez de quel côté vous allez tomber. Et on sait de quel côté vous penchez. C'est plus qu'une inclination, c'est une chute. De quel côté ? Non, là, vous vous trompez tout à fait. Je veux dire, je vous l'ai dit tout à l'heure, je n'ai pas envie de vivre dans une démocratie populaire. Je ne mets pas en doute la bonne foi et les bonnes intentions de ceux qui ont signé le programme commun, mais je crois sincèrement que non, je n'ai pas envie qu'il soit appliqué, et encore moins celui qu'on nous promet. Par conséquent, je ne pencherai pas de ce côté. Enfin, je ne pencherai pas de ce côté-là. Je penche en ce sens que j'aurais aimé et je souhaite qu'il y ait un jour, et je crois que je ne suis pas la seule, je souhaite qu'il y ait un jour en France ce que Robert Fabre a cherché là peut-être à exprimer un petit peu, c'est-à-dire des gens qui aient le droit de n'être ni de l'extrême droite ni du Parti communiste. Je crois que c'est vraiment profondément un vœu que les Français forment et qu'ils ne parviendront pas à réaliser avec ce système électoral. Ce n'est pas possible. Vous êtes obligés d'être à l'intérieur d'une coalition où il y a autant de différences. Il n'y a plus de différence entre les ailes extrêmes de ces coalitions qu'entre les gens qui sont au milieu dans chacune des coalitions. Je m'exprime très mal, mais vous comprenez ce que j'ai voulu dire. C'est tout à fait malsain. Alors, soyons tout à fait francs, vous avez des qualités politiques ? Des qualités politiques ? Je ne suis pas sûre. Je ne sais pas ce que c'est, les qualités politiques. Non, je ne suis pas sûre. Je ne sais pas si j'ai des qualités politiques. Et la qualité essentielle, c'est l'honnêteté, c'est le courage, c'est l'humilité, c'est la sincérité. Écoutez, oui, j'ai peut-être, si c'est, je crois que c'est, enfin moi je considère que c'est une qualité politique, je dirais même que c'est l'essentiel, c'est le courage. Disons le courage, peut-être pas exactement le mot, c'est le caractère. Alors oui, bon, en général, plutôt dans ma vie, fais preuve de caractère et je suis plutôt quelqu'un de courageux. Mais enfin, c'est pas suffisant. Bientôt, vous allez nous confier, non pas vos souvenirs, mais votre expérience au sein du gouvernement. Je ne sais pas à quel moment viendra ce livre. Encore une fois, ce n'est pas mon expérience. Oui, enfin, mon expérience. Disons le regard. Disons le regard. Un regard sur les choses. Voilà. Mais nous avons le souvenir d'un livre qui était publié chez Stock, « Si je mens, croix de bois, croix de fer, si je mens, je vais en enfer ». Je me demande si vous aviez tout dit à ce moment-là. Je ne dis jamais tout. Avez-vous menti une seule fois ? Non. Vous êtes-vous menti à vous-même ? Non, je n'ai pas du tout menti. J'ai fait, j'en garde le remords d'ailleurs, une ou deux erreurs de fait, parce que ce n'était pas du tout un livre qui prétendait à l'histoire, et qu'en parlant comme ça librement, j'ai fait une ou deux erreurs, et que j'aimerais un jour rectifier à cause de ceux qui en ont été émus. Mais enfin, non, j'ai pas du tout menti, pas du tout. Sommes-nous tous inefficaces et sublimes, comme vous l'avez dit, d'un grand mouvement à un certain moment ? Écoutez, sommes-nous tous sublimes, ça vraiment pas. C'est un mot que je n'oserais sûrement pas. Mais ça commence par inefficace. Hein. Alors, inefficace, qu'est-ce que ça veut dire, être efficace ? Non, je ne me sens ni sublime ni inefficace. Vous êtes vous-même. Oui. Merci, François Giraud.